La science CQFD, Natacha Triou. Aujourd'hui, nous avons la chance de nous entretenir une heure avec l'une des grandes spécialistes des dauphins, l'éthologue et cétologue Fabienne Delfour et notre invitée. Comment ces animaux perçoivent-ils le monde? Comment reconnaître et comprendre leurs émotions et comment se défaire de nos visions anthropocentrées? Depuis 30 ans, Fabienne Delfour cherche à aborder le dauphin dans sa singularité, à la première personne, en captivité comme en pleine nature. Pour l'étude de ces mammifères marins, voici une chercheuse qui a du nez, ou plutôt du rostre. Porte-parole de l'éthologie constructiviste, tentons avec elle de nous glisser dans la peau de l'un d'entre eux et tendons l'oreille à ces génies de l'acoustique. Fabienne Delfour, parlez-vous dauphin? Bonjour Fabienne Delfour. Bonjour. Vous êtes éthologue, cétologue spécialisée en éthologie et cognition animale, enseignante à l'École nationale vétérinaire de Toulouse, membre associé de l'Institut Langage, Communication et Cerveau, basé à l'Université d'Aix-Marseille, et vous venez de publier au mois de mai le livre « Dans la peau d'un dauphin » paru aux éditions Flammarion. Mille merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est en direct sur France Culture et merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, chaque jour on vous poste de nombreuses ressources complémentaires pour enrichir votre écoute, c'est sur notre fil @sciencesqfd. Alors, quelles sont les dernières avancées scientifiques sur la compréhension des dauphins? Qu'est-ce que l'éthologie constructiviste? Et quelle est votre méthode, Fabienne Delfour, pour mieux comprendre leur cognition? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Et pour commencer, comment mieux comprendre comment ces animaux communiquent? On s'interroge depuis fort longtemps, c'est notre archive du jour. Maintenant, notre camarade Béville va nous parler d'une curieuse application des montages à transistor. L'application dont je vais vous parler est bien curieuse, en effet, mon cher Carillon, puisque le montage imaginé par un docteur de l'État de Virginie, aux États-Unis, ne sert à rien moins qu'à capter le langage des dauphins. Ah bon, parce que ce docteur prétend que les dauphins parlent. Il ne le prétend pas, il l'affirme même. Bon, bien entendu, ce langage est plus que rudimentaire. Mais, paraît-il, ces curieux animaux aquatiques émettent des sons différents lorsqu'il s'agit de signaler un fait à leurs congénères. Par exemple, annoncer un danger, indiquer la présence d'une nourriture intéressante pour leur collectivité. Mais enfin, qu'est-ce que vient faire le transistor dans tout ça? Toujours d'après ce docteur, les sons émis par les dauphins vibrent à une fréquence trop basse pour être perçus par l'oreille humaine. Et l'appareil à transistor remplit donc d'abord le rôle exact de changeur de fréquence et ensuite d'amplificateur. Ah, en effet, c'est astucieux. D'autant plus que l'animal, dont on a déjà constaté réellement l'intelligence, peut, à la façon du perroquet, apprendre à répéter des mots humains et qu'ainsi, malgré un vocabulaire des plus réduits, on est arrivé à inculquer des petites phrases que le dauphin prononce toujours en infrasons, d'où l'utilité d'un changeur de fréquence pour l'entendre. Et qu'est-ce qu'on lui a appris, par exemple? Eh bien, par exemple, lorsque ce fameux docteur, qui se transforme alors en professeur dompteur, donne à son élève un poisson d'une couleur spéciale, le dauphin déclare « Bon poisson, j'aime poisson ». D'autant plus que si ces expériences donnent les résultats escomptés, il sera, paraît-il, possible de dresser les dauphins pour des missions spéciales. Rechercher les champs de mines, déceler la présence d'un submersible, et pour des missions moins dangereuses, les dresser, comme des chiens de berger, à aller chercher des bancs de poissons pour les diriger vers les filets des pêcheurs. Voilà une archive de 1961 de la radiodiffusion française. Comment écoutez-vous cette archive, Fabienne Delfour? En fait, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, encore et toujours. Donc, le langage des dauphins, donc, là, ils disent qu'il est assez rudimentaire. En fait, il est plutôt complexe. On qualifie ces animaux d'intelligents. Effectivement, ils ont des capacités cognitives élaborées. Ils sont capables d'apprendre. Après, communiquer avec des sons humains, ça, je pense que c'est quand même une gageure. Mais pourquoi pas? Donc, oui, ça me fait sourire. Mais il y a quand même des bases qui sont là. Il y a l'idée aussi que si on plonge un micro en hydrophone dans l'eau, on va enregistrer des dauphins, mais qu'il y a une partie qui est inaudible à l'oreille humaine, ce qui est vrai. Donc, il y a quand même des choses qui sont véridiques. Alors ça, c'était donc, communiquer avec les dauphins, c'est un vieux rêve, cet archive qui date de 1961. Depuis, hein, ceci dit, notre rapport à l'animal a beaucoup changé. Comment vous regardez justement les progrès de l'éthologie depuis? Alors, il y a une éthologie qui est, cette, l'éthologie qui est la science qui étudie les comportements des animaux, au tout début, avait imaginé que l'expérimentateur humain était là, un observateur assez distant. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir une observation plus engagée sans que ça perturbe réellement notre rapport à l'animal. Et puis, il y a les connaissances actuelles qui montrent que ce sont des animaux qui ont une vie mentale, qui ont des émotions, qui sont des êtres sentients. Je pense qu'on en reparlera. Donc là, on a un rapport plus éthique, je pense aussi, avec les animaux. Vous êtes l'une des porte-paroles de l'éthologie constructiviste. Comment définiriez-vous cette discipline ? Alors, cette éthologie constructiviste se nourrit d'une philosophie qu'on appelle la phénoménologie, qui a été vraiment bien développée en France, notamment par Merleau-Ponty. Et elle envisage l'animal pas comme un représentant d'une espèce uniquement, mais comme un sujet en part entière. Donc, il y a une vie mentale, qui a des désirs, des croyances, qui est capable d'avoir du plaisir, qui a une biographie, qui vit sa vie à la première personne. Et donc, en pensant l'animal comme un sujet, quand on est en interaction avec un animal, on n'est pas dans une relation humain-animal, on est dans une intersubjectivité. Et donc là, ça change tout, parce que ça change même la façon dont on va poser les questions. Oui, vous disiez des êtres sentients, hein, l'éthologie constructiviste s'intéresse à la sentience. C'est cette capacité d'éprouver des choses subjectivement. Oui, voilà, c'est d'être capable d'avoir une vie mentale, d'intérioriser, d'avoir du plaisir, de ressentir un grand et riche panel d'émotions. Et aujourd'hui, cette sentience animale est reconnue chez de nombreuses espèces, notamment les poissons. Donc, parce qu'on a aussi cette idée d'une hiérarchie du vivant. On imagine que oui, les grands singes vont ressentir des émotions, mais le poisson rouge peut-être un peu moins. Et aujourd'hui, cette éthologie montre qu'il n'en est rien, que les poissons ont des émotions aussi. Il y a deux courants différents. Il y a l'éthologie objectiviste et l'éthologie constructiviste. Quelles sont les différences ? Oui, donc l'éthologie objectiviste avait cette idée de rester en retrait et de mener des protocoles expérimentaux, d'avoir une expérimentation animale. Donc il y avait beaucoup d'études qui étaient faites en laboratoire. Et puis l'éthologie constructiviste s'est dit, ben oui, peut-être, mais on peut aussi avoir peut-être un autre rapport à l'animal et ne pas l'imaginer comme uniquement un être biologique qui va réagir à des stimuli, mais peut-être qu'il a une vie mentale plus complexe qu'on peut imaginer, et donc rentrer dans cette sphère mentale. Vous évoquez la hiérarchie du vivant, il y a aussi cette hiérarchie de l'intelligence. Les progrès de l'éthologie nous ont montré que Sapiens n'a pas le monopole de l'intelligence. Ça n'a pas vraiment de sens de parler d'une intelligence animale ou de l'intelligence d'une espèce ? Tout à fait. On va parler des intelligences puisqu'ils vont vivre dans des écologies qui sont différentes. Ils vont faire des expériences différentes. Ils ont des sensorialités différentes. Donc, ils vont vivre le monde de manière différente. Et voilà, on est dans un studio radio. On vit cette expérience en tant qu'humaine. Maintenant, vous faites rentrer un chien. Il va vivre le studio d'une autre manière. Et ça se conjugue à l'infini. Parce que même nous, en tant qu'humaines, homo sapiens, on a des histoires différentes, de relations différentes avec ce studio. Et je peux vous certifier que moi, là, maintenant, je suis beaucoup plus stressée que vous, par exemple. Donc voilà, même si on appartient à la même espèce, on a des individualités, des personnalités, des ressentis différents. Mais vous préférez parler d'intelligences animales au pluriel ? Oui. Ah oui, comme je parle de mondes animaux au pluriel, oui. Mais alors, comment vous faites ? Vous faites allusion à ce studio, à votre niveau de stress, et là vous mettez le doigt sur quelque chose que je trouve assez intéressant dans le travail de l'éthologie. Comment on fait pour éviter l'écueil d'attribuer aux animaux des caractéristiques humaines ? C'est difficile, hein, car vous, moi, celles et ceux qui nous écoutent, on reste humains dans notre conception du monde. Comment se défaire de nos visions anthropocentrées ? Alors, oui, ça c'est extrêmement compliqué, et ce travail il va se faire a posteriori. On va essayer déjà de poser des questions qui sont plutôt animaux-centrées, et donc en l'occurrence plutôt dauphins-centrées, parce que je connais leur biologie, parce que je connais leur sensorialité. Je vais peut-être poser des questions qui sont plus orientées vers l'acoustique, vers un monde sensoriel particulier. Maintenant, attribuer des qualités humaines aux animaux, parfois ça permet de faire des ponts. Je peux amener mes collègues ou mes étudiants à comprendre le monde des animaux en faisant des parallèles, tout en disant, voilà, c'est à peu près comme nos émotions humaines, c'est à peu près comme... Ça permet d'avoir un rapprochement. Maintenant, ce qui est dangereux, je pense que c'est l'anthropo-référencement, c'est-à-dire imaginer que le monde est uniquement vécu de manière humaine par tous les êtres vivants. Et là, on se retrouve à hiérarchiser le vivant, à faire que les animaux, ce sont des sous-hommes ou des presque humains, mais qui ne sont pas tout à fait bons à devenir des humains. Donc, c'est éviter cet écueil-là. Vous dites il faut poser des questions de dauphin. Quelles questions on pose à un dauphin ? C'est un animal qui est essentiellement aquatique, qui vit dans un univers acoustique extrêmement riche. Et nous, humains, nous sommes des êtres très visuels. Donc, peut-être oublier de poser des questions sur comment il voit son monde en couleur, de quelle couleur, et peut-être plutôt poser des questions sur comment il réagit à des univers acoustiques, à des paysages sonores, comment il transmet ses émotions, comment se passent ses apprentissages. On parle aussi de l'écueil du chimpocentrisme. On a d'ailleurs failli appeler cette émission « Malin comme un dauphin », car l'éthologie s'est aussi beaucoup inspirée des méthodes et des progrès de la primatologie. Mais ça aussi, c'est un piège. Oui, au début, les premières études en éthologie ont été faites essentiellement par des primatologues et puis des psychologues qui se sont accaparés ces questions qui étaient posées d'abord sur les enfants. Et ils les ont transposées aux grands singes. C'était relativement facile, aisé, parce qu'on restait avec des animaux terrestres qui pouvaient manipuler, qui avaient de l'appréhension, etc. Mais on voit bien que poser des questions de chimpanzés à des dauphins, ça a des limites. Donc, c'était cet écueil-là qui, pendant très longtemps, a sévi en éthologie. Et on a posé des questions très humano-centrées à beaucoup d'animaux. Mais parce que les dauphins ont justement des capacités cognitives qui sont proches des grands primates aussi. Oui, alors ils sont capables d'apprendre, de mémoriser, de transmettre des informations. Ils ont une vie sociale qui est complexe. Donc cette complexité, on va la retrouver aussi chez les grands singes, mais aussi chez d'autres animaux. Et donc les comparer, ça permet de montrer des convergences évolutives, par exemple. Mais à un moment donné, il faut les séparer. C'est-à-dire, ce sont les chimpanzés ou les orang-outans ou les bonobos restent des grands primates. Et puis, on a ces grands mammifères marins qui ont droit à avoir leur monde propre. Mais quand on étudie l'intelligence d'un dauphin, on étudie quoi ? Sa capacité à anticiper, à planifier, sa mémoire ? Oui, l'intelligence, c'est la capacité à acquérir, à mémoriser des informations, à les transmettre. Donc, comment l'animal acquiert ces informations sur l'environnement social, sur l'environnement physique? Comment il mémorise? Est-ce que on a de la mémoire à long terme? Et comment il va transmettre ces informations? Est-ce qu'il y a des apprentissages? Est-ce qu'il y a des cultures aussi? On s'aperçoit que les dauphins cochent toutes les cases. Les dauphins cochent toutes les cases et on va justement les décortiquer ensemble toutes ces cases. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne un peu sur votre parcours pour comprendre comment vous vous inscrivez dans l'éthologie. Vous écrivez dans votre livre, vous écrivez « Il y a 30 ans, il n'existait pas de formation digne de ce nom pour devenir cétologue ». Comment vous avez fait ce choix, celui de la cétologie ? Alors au début, je voulais pas du tout étudier les cétacés, je voulais étudier les éléphants. Voilà. Les grosses bêtes aussi. Oui, je suis plutôt attirée par les grosses bêtes apparemment. Mais alors ça va paraître... Il n'y avait pas Internet. Et donc, les premiers chercheurs à avoir répondu de manière positive à mes demandes de stage, ça a été un chercheur au Canada qui s'appelle John Forn, qui travaillait sur la bioacoustique des orques. Et donc, j'ai fait le deuil des éléphants et je me suis dit, pourquoi pas. Et j'ai commencé par la bioacoustique. Donc, j'analysais des sons, des enregistrements d'animaux. Et très rapidement, j'ai été frustrée parce que je vivais dans un univers sonore, mais je ne voyais pas ce que faisaient les animaux. Donc, je me suis dit, c'est sympa la bioacoustique, mais ce n'est pas pour moi. J'ai vraiment besoin d'aller au contact des animaux. Et j'ai choisi l'éthologie. 30 ans après, je reviens à la bioacoustique, que je combine avec l'éthologie. Mais voilà, ce qui me manquait, c'était ce que je voulais. Et ça, c'était vraiment, au sens littéral, je voulais m'immerger avec les animaux. L'immersion avec les dauphins. Oui. Là, dans votre parcours, vous faites une rencontre déterminante au cours de l'été 2000. Aux Bahamas, vous rencontrez Denise Herzing, qui est pionnière de l'étude des dauphins. C'est à ce moment-là que vous commencez donc à vraiment vous intéresser plus précisément à ces animaux. Comment ça se passe, cette rencontre et ce déclic? Donc, d'abord, j'ai forcé vraiment mon université à Toulouse, l'université Paul Sabatier, pour m'inscrire en thèse. Et donc, à la fin de ma thèse, je pars en postdoctorat à Hawaï. Et dans mon laboratoire, une chercheuse américaine vient visiter le laboratoire, c'est Denise Herzing. Et on échange, et à la fin de son séjour, elle me propose de venir travailler avec elle. Je la connais pas, et je découvre un univers dans lequel j'évolue toujours. Elle étudie les dauphins tachetés aux Bahamas, et elle a cette observation immergée. C'est un peu la Jane Goodall des cétacés, puisque elle passe ses étés à bord de son bateau et quotidiennement, elle va filmer la vie des dauphins, elle va documenter la vie des dauphins. Et en fait, c'est ça qui me plaît. Donc, je pars en l'été 2000, la première fois que je pars avec elle. Et là, effectivement, on est hors du temps, parce qu'on est sur un bateau au milieu de nulle part. Pendant 15 jours, on vit vraiment dauphin, du matin au soir. Et c'est ça qui me plaît, et c'est ce que je fais depuis 30 ans. Mais comment ça se passe, justement, un peu plus précisément, sur le terrain, l'observation des dauphins sur le long terme? Comment vous travaillez en mer, si vous pouvez nous donner à imaginer votre travail? Alors, faut se lever tôt. Je le dis à tout le monde. Alors, déjà, oui, voilà, les observations commencent très tôt. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, on va à l'eau avec les animaux. On s'immerge si les animaux le souhaitent. Donc déjà, sur le bateau, de la manière dont ils vont approcher le bateau, qu'ils restent autour ou qu'ils partent, vous pouvez avoir un petit aperçu de leur motivation à ce que vous veniez à leur côté. Une fois dans l'eau, c'est pareil. Je me propose aux animaux, c'est-à-dire je vais jamais courir après ou nager après. Je suis plutôt statique. Et une fois qu'ils viennent vers moi, qu'ils initient une rencontre, là, je peux faire quelque chose. Et pendant 30 ans, on va développer cette méthode-là. Les animaux, très rapidement, ils vont comprendre qu'on est là en observateur, qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec nous. Parfois, ils vont nous solliciter. Je pense notamment à des femelles dauphins qui nous ont pris pour des babysitters à un moment donné. Comment ça Babysitter pour dauphins? Babysitter pour dauphins. Donc, je peux rajouter ça sur mon CV. C'est voilà, donc les journées aux Bahamas, c'est de 6h du matin à 7h du soir. Voilà, c'est 7h du soir, on est ancré, on voit arriver un groupe de dauphins. Très rapidement, on voit que ce sont des femelles avec des jeunes, donc voilà, une nurserie. On s'immerge pour prendre des photos, des vidéos, et puis les femelles partent. Et on se retrouve à garder 5 petits dauphins, avec sous la responsabilité de 3 humaines. Et ce moment-là m'a posé question. D'abord, il témoignait d'une grande confiance à l'égard des humains. Je pense que c'est pas arrivé par hasard, parce que c'était le bateau de Denis Herzing, l'équipe, voilà. Donc les animaux connaissaient, ce bateau nous connaissait. Mais je me suis questionnée sur le fait que, en fait, je voulais pas que les dauphins laissent leurs petits à garder aux humains. Donc voilà, ça permet ce type de rencontre, ça permet des observations de leur vie au quotidien sans avoir un réel impact. Et c'est ça qui me plaît, être témoin d'eux sans être acteur d'eux. Comment les méthodes de Denis Herzing vous ont-elles inspiré? Comment étudier les dauphins? Quels sont vos outils et ceux des cétologues? Restez avec nous, on poursuit cette expérience dolphinienne du monde. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. En direct sur France Culture, nous nous entretenons tout au long de cette heure avec Fabienne Delfour, éthologue, cétologue qui étudie depuis 30 ans les dauphins et leurs capacités cognitives. Nous venons de voir que ce qu'était l'éthologie constructiviste. Nous avons parlé des apports de la primatologie pour l'éthologie. Alors, dans quelle mesure les dauphins, par leurs capacités cognitives, sont proches des grands primates ? Ils vivent dans une société qui est organisée, donc il va y avoir des us et coutumes à prendre. Et donc là, on a des transmissions sociales, on a des apprentissages, on a des animaux qui regardent les adultes, donc ils vont apprendre par observation. Et puis on a des vrais profs, donc on a des dauphins qui vont enseigner de manière très active à leurs petits les règles de vie de cette société delphinienne. Ça peut être rapproché aussi des grands singes. Mais les dauphins sont en effet des animaux très sociaux, mais comment s'organisent plus précisément ces sociétés de delphinidés? Oui, des delphinidés. Alors, il y a une trentaine d'espèces de dauphins. Les dauphins qu'on connaît le mieux, ce sont ces grands dauphins qu'on trouve dans les parcs zoologiques. Ces dauphins-là vivent dans une société qu'on qualifie de fusion-fission, donc c'est un terme assez barbare, mais qui est relativement simple, c'est-à-dire il y a une organisation qui est propre au mâle, Dès le plus jeune âge, les mâles vont trouver un partenaire qui va devenir leur compagnon à vie. Donc on a des duos de mâles, des amitiés masculines qui sont pérennes sur toute la vie. Les femelles, ce sont des opportunistes sociales. Elles ont un réseau social beaucoup plus flexible. Si elles sont gestantes, elles vont partir avec le groupe des gestantes. Une fois qu'elles ont leur petit, elles restent avec les femelles qui ont des petits. Une fois que le petit est sevré, elles repartent avec les femelles non suitées, donc qui n'ont pas de petits à charge. Donc on a une organisation qui est extrêmement fluide, plastique chez les femelles et qui est beaucoup plus rigide chez les mâles et qui les rend beaucoup plus vulnérables en fait. Parce que quand leur partenaire meurt, ils se retrouvent tout seuls. Oui, c'est ça, chez les grands dauphins, les mâles forment une sorte de duo à la vie et à la mort dès leur plus jeune âge. Oui, en fait c'est comme si ils se trouvaient dès la tendre enfance, ils vont se tester et ces amitiés vont se renforcer au cours du temps. Et on va avoir des formations d'alliances, donc on a des associations de duos et qui forment des méga-alliances de mâles. Et chez les femelles, on n'a pas du tout ça. On a des amitiés qui sont beaucoup plus plastiques, qui sont régies quand même par une forte sororité, en fait, une grande solidarité féminine dans les soins qui doivent être apportés aux jeunes. Donc on a les femelles les plus expérimentées qui vont enseigner à des femelles un peu plus naïves. Et dans cette société de dauphins, ce qui est caractéristique aussi, c'est pas, on n'a pas un chef, on a des leaders. Et dans ces leaders, ça peut être aussi bien des mâles que des femelles. Et je trouve cette société hyper moderne. Donc voilà, on a une alternance du leadership. Vous disiez quand des mâles perdent son partenaire, ils se trouvent en difficulté. C'est quoi un dauphin en difficulté ? Un dauphin en difficulté, il faut imaginer vivre dans un espace qui est pas toujours accueillant. Il est souvent sombre, il est souvent... ce sont des animaux qui recherchent de la nourriture, beaucoup, souvent, et maintenant de plus en plus, parce qu'il y a une raréfaction des ressources alimentaires. C'est un monde aussi qui peut être assez violent, puisque il y a des bandes de dauphins qui peuvent venir et créer des bagarres. Donc avoir un partenaire, avoir un pote, ça peut être fort utile. Être tout seul, c'est se rendre extrêmement vulnérable. Vous parlez de vulnérabilité, ça m'emmène comme ça sur le fil de l'eau, sur la question des émotions. On a découvert que les perroquets rougissent de plaisir, que les chiens aboient dans les aigus sont dans des situations anxiogènes. D'un point de vue méthodologique, comment reconnaître et comprendre les émotions d'un dauphin ? Alors, nos émotions ont des manifestations. Vous parliez du perroquet qui rosit ou du chien qui va aboyer. Donc, on a des manifestations physiologiques. Quand on a des animaux qui ont peur, ils ont des battements cardiaques qui vont augmenter, des respirations qui vont s'accélérer. Donc ça, on peut le mesurer. Il y a des manifestations comportementales, donc des vocalisations particulières. Chez le dauphin, on a une vocalisation qui signifie « je suis content, j'ai obtenu ce que je veux ». On appelle ça le « victory squeal » en anglais. Et cri de victoire. Cri de victoire, c'est un peu le « yes, j'y suis arrivée ». Et on a aussi des manifestations comportementales. On a des tensions dans le corps, on a des positionnements dans la colonne d'eau qui sont là pour témoigner d'une émotion. Et on sait aussi que nos émotions ont un impact sur nos capacités cognitives. Par exemple, si vous demandez aux Parisiens de se remémorer où est-ce qu'ils étaient le soir des attentats du Bataclan, on sait tous où on était ce soir-là. Donc on sait que des émotions positives ou négatives mettent l'accent sur des vécus et vont ancrer dans notre mémoire des souvenirs. Ces émotions peuvent être positives ou négatives. Et le test ultime, c'est ce fameux test de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, donc des animaux optimistes ou pessimistes. Alors comment est-ce qu'on teste l'optimisme ou le pessimisme d'un dauphin ? Alors je l'ai fait, donc je peux vraiment vous raconter. Je vais peut-être prendre un exemple chez les chiens parce que c'est plus parlant. On va appeler dans un coin de la pièce le chien, et dans ce coin de la pièce, il y a une écuelle qui est remplie de nourriture. Donc je vais lui donner de la nourriture, je vais le caresser, le féliciter. Et dans un autre coin de la pièce, je l'appelle, mais là, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Je renouvelle ça très très vite. Quand je l'appelle là où l'écuelle est pleine, il s'y précipite rapidement, il est là très rapidement. De l'autre côté de la pièce, où il n'y a rien, il va mettre beaucoup de temps. Le test pour savoir si l'animal est optimiste ou pessimiste, c'est se mettre à équidistance entre l'écuelle pleine et l'écuelle vide et chronométrer le temps d'arrivée du chien. En fait, si le chien est optimiste, dans sa tête, alors là, je vais faire de l'anthropomorphisme, dans sa tête, il se dit, c'est quand même super proche de l'écuelle où il y a de la nourriture, donc il y a de fortes chances que j'ai quelque chose. Le chien qui est pessimiste, il va se dire, c'est quand même super proche de l'écureuil où il n'y a rien, donc c'est pas à peine que j'y aille à fond, parce que j'aurai rien. Donc voilà, tout simple. Et donc avec les dauphins, c'est avec... Alors on change les écureuils et les croquettes par des poissons, mais ça marche aussi bien. Et ça, vous l'avez testé, si je dis pas de bêtises, vous l'avez testé au delphinarium du parc Astérix. Oui. Ça veut aussi dire ça que les observations en pleine nature ou les observations dans les parcs zoologiques, ce sont des observations importantes qui permettent aussi de faire avancer la recherche. C'est une approche complémentaire. Oui, c'est tout à fait complémentaire, c'est-à-dire... On va parfois poser les mêmes questions à des dauphins en parc zoologique et à des dauphins en milieu naturel. Et parfois, on va avoir une complémentarité. D'abord, il y a une facilité, une accessibilité des animaux en parc zoologique. On peut créer, tester des dispositifs en parc zoologique pour après les amener en milieu naturel, ce que j'ai fait. Et cette complémentarité est extrêmement riche. Et je vous disais au début, quand je suis partie à Vancouver, John Forn travaillait en parc zoologique et en milieu naturel. Et en fait, cette méthode-là m'a inspirée parce que ça me permet d'avoir peut-être un peu plus de lucidité et d'humidité aussi par rapport à ces deux environnements où j'entends... C'est assez facile de cracher sur l'un et d'encenser l'autre. Et c'est pas aussi simpliste, caricatural. Donc j'aime bien avoir les deux pieds dans ces deux environnements. Et je pense qu'à ce jour, je suis la seule en France à avoir passé 30 ans aussi bien en parc zoologique qu'en milieu naturel. Et puisqu'en effet, de 2006 à 2021, vous avez été directrice scientifique du delphinarium du parc Astérix. Et d'ailleurs, vous avez aussi, il me semble que c'est dans ce même parc que vous avez découvert, on parlait d'émotions négatives, vous avez aussi découvert une manifestation physiologique d'une émotion négative d'un dauphin. Ah, vous parlez du cortisol ou Exactement. Oui. Donc voilà, c'est j'avais l'envie d'essayer de doser le stress d'évaluer le stress chez des populations sauvages. Mais avant ça, on a mis au point la méthode dans un parc zoologique. Et c'est un vétérinaire qui s'appelle Carl Mercera, qui est avec l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, qui a fait sa thèse dessus et donc qui nous a permis d'étalonner cette évaluation qu'on a transposée en milieu naturel. Donc aujourd'hui, on récolte des cacas de dauphins, des excréments, dans lesquels on va doser le cortisol, qui est cette hormone de stress qu'on va retrouver dans la peau, dans les fesses, dans les urines, dans le sang. Et c'est une façon non intrusive d'accéder à cette hormone-là chez les dauphins sauvages. On parle en effet de dauphins qui sécrètent de fortes concentrations d'hormones lorsqu'ils sont stressés. Continuons de parler de leur intelligence. Je vous propose un extrait, une lecture de votre ouvrage Dans la peau d'un dauphin. La première question que nous, humains, nous posons face à une espèce différente est sans doute, est-elle aussi intelligente que nous ? Homo sapiens a une fâcheuse tendance à classer le vivant en fonction de son brio supposé. Les grands singes, et en particulier les chimpanzés, sont souvent considérés comme les animaux les plus malins. Les dauphins ne sont pas loin et occupent une place de choix dans ce podium que nous avons créé de toutes pièces. Or, pour l'éthologue que je suis, cette hiérarchie a peu de sens. Les animaux vivant dans des environnements différents, leurs univers mentaux, sont tous dissemblables, de sorte que prétendre comparer leurs capacités cognitives tient de la gageure scientifique et épistémologique. Un exemple ? Faisons un test. Nous sommes immergés ensemble dans une piscine, les yeux fermés, et je vous pose la question. Où se trouve dans le bassin le gros ballon lesté qu'un assistant vient de mettre à l'eau ? Comment ça ? Vous n'y arrivez pas ? Allez, faites un petit effort, vous êtes une espèce intelligente. Vous êtes un être humain. Les dauphins passent les tests avec aisance et brio, alors pourquoi pas vous ? Vous voyez que la hiérarchisation des intelligences comporte une bonne dose d'absurdité. Je vous vois sourire pendant cet extrait, Fabienne Delfour. C'est extrêmement émouvant, en fait. C'est la première fois que j'entends une lecture de mon livre. Donc, je suis émue. Mais oui, ben voilà. Vous avez choisi un paragraphe qui me tient à cœur parce que c'est vraiment le cœur de mon ouvrage. C'est changer de perspective. Et tout au long de ce livre, j'ai vraiment voulu amener le lecteur à changer de perspective. En début d'entretien, vous avez aussi parlé, évoqué la culture de dauphins. Qu'est-ce que c'est justement cette culture-là ? Alors, ce sont des apprentissages qui vont être mis en place par des communautés d'animaux qu'on va retrouver à un endroit particulier, géographiquement, et qu'on ne va pas retrouver ailleurs. Alors, je vais donner un exemple qui est assez caractéristique. En Australie, les grands dauphins ont développé ce qu'on appelle une pêche à l'éponge. Ils vont récolter des éponges et ils vont se protéger le rostre. Le bout de nez. Avec cette éponge-là pour aller chercher des poissons dans les rochers. Donc, c'est un moyen très... créatif, ingénieux, de ne pas se blesser quand ils recherchent les poissons. Et ça montre déjà, alors il y a plusieurs processus, déjà de l'anticipation, planifier la tâche, c'est quand ils savent qu'ils vont aller pêcher, ils vont d'abord récolter ces éponges-là. On s'aperçoit aussi que plus ils sont experts dans cette pêche aux éponges, et plus ils sélectionnent les éponges les plus robustes, ils vont pouvoir s'en servir longtemps. Et on s'aperçoit que ce sont les mères qui vont apprendre à leurs petits à utiliser cette technique-là. Donc il y a un apprentissage. Vous allez ailleurs dans le monde, cette technique n'existe pas. Donc on a ici, là, l'exemple d'une tradition culturelle qui est mise en place par un groupe d'animaux et qui est perpétrée par ces animaux-là. C'est ça, un apprentissage et des connaissances qui sont donc transmises. Oui, qui sont transmises de manière active, c'est-à-dire là, c'est pas uniquement de l'observation, les femelles vont chercher leurs petits, on serait des humains, on les amènerait pas par la main, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire elles les contraignent à venir, à observer comment elles font, comment on sélectionne les éponges, comment on les récolte, comment on les place sur le rostre, etc. Donc il y a vraiment un enseignement actif. Sur ces sociétés de dauphins, dans votre livre aussi, vous montrez que les dauphins peuvent vivre des deuils également dans ces sociétés complexes. Oui, alors parmi le riche panel d'émotions, il y a aussi le chagrin et la tristesse. Et ça a été très longtemps laissé au domaine des anecdotes. Mais voilà, aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'anecdotes qui montrent que suite à la perte souvent d'un petit, les femelles vont avoir une certaine apathie, vont refuser de manger, elles vont avoir un retrait, elles vont se couper des relations sociales. Et donc ça témoigne d'une émotion qui est plutôt négative. Ça, on va le retrouver chez d'autres animaux, mais voilà, ça existe, oui, chez les dauphins, et c'est observé chez les dauphins. Et des femelles qui cessent de s'alimenter en période de deuil, oui. Pour ces émotions. Donc voilà, une société avec une culture, des émotions fortes. Dans vos recherches, vous réfléchissez également à une communication anthropozoologique. Peut-il exister une amitié homme-humain-dauphin? Avant de répondre à cette question, écoutons ce concert pour baleine. De David Rottenberg qui joue de la clarinette aux baleines à Hawaï sur France Culture. Car nous parlons de cétacés, plus exactement de dauphins, avec Fabienne Delfour, éthologue et cétologue spécialisée en éthologie et cognition animale et enseignante à l'École nationale vétérinaire de Toulouse. Comment ça vous fait réagir, ces projets qui mêlent art et science avec des musiciens qui jouent comme ça de la musique aux cétacés? Alors j'adore, d'autant plus que je monte des projets art et science aussi, oui. Avec Olivier Adam. Olivier Adam, dont nous allons parler dans quelques instants. Voilà, et en fait, ces projets projets ARS-Science permettent d'oser poser d'autres questions que nous, scientifiques, peut-être n'aurions pas pu ou n'aurions pas osé poser. Et cette transversalité est extrêmement riche. Ça permet de faire des pas de côté ? Ça permet de faire des pas de côté. Ça permet justement d'approcher les animaux sur le versant émotion. Et voilà, on est vraiment au cœur du sujet. Et oui, la musique, l'art, que ce soit la photo, la vidéo, se combine très très bien avec la science. Alors, en tout cas, cette clarinette de David Rothenberg, ça m'a mis des frissons. Mais que sait-on de la perception d'un dauphin ? Comment un dauphin perçoit le monde ? Alors, j'ai écrit un papier justement sur les émotions des baleines et suite à la diffusion d'une musique particulière, je pense que la baleine a ronronné, elle a vécu une émotion particulière et le chant des baleines n'a jamais été examiné sous cet aspect-là, on l'a décortiqué dans tous les sens. La bioacoustique l'a vraiment décortiqué, segmenté. Mais avoir une vision un peu plus du dessus et se dire que peut-être ce chant, c'est aussi une expression d'une émotion, ça n'a jamais été fait. Donc on initie des recherches dans ce sens-là. Et sur les dauphins, la perception de son environnement, qu'est-ce qu'on sait de sa perception de l'espace, par exemple ? Il vit dans un univers sonore, il vit aussi porté par ses éléments, c'est un univers en trois dimensions où la vision n'est pas prépondérante, donc ça va être beaucoup les sons. Ce qu'on connaît moins du dauphin aussi, c'est qu'il va goûter son environnement, donc il goûte, c'est-à-dire littéralement. Donc on sait par exemple que les mâles repèrent les femelles qui sont prêtes à s'accoupler en goûtant leurs urines. Donc ils sont capables d'analyser leurs urines. Et je peux imaginer que parfois l'eau de l'océan a très mauvais goût quand il y a des pollutions, etc. Donc il faut oublier notre vision anthropocentrée et extrêmement visuelle et imaginer un univers sonore, gustatif, tactile. Ce sont des animaux qui sont extrêmement tactiles. Parce que le toucher est très, très important également pour ces espèces. Oui, ce sont des animaux qui vont se réconforter chaque fois qu'il y a quelque chose qui leur fait peur. Ils vont vraiment avoir des comportements tactiles. Les femelles sont extrêmement tactiles à l'égard de leurs petits. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils aiment être touchés par l'humain. Donc, voilà. Mais entre eux, oui, il y a vraiment le toucher qui a un sens prépondérant. Vous parlez de cet environnement sonore qui est très important. Vous avez apporté des sons pour cette émission. D'ailleurs, je propose qu'on en écoute un. C'est celui-ci. Et celui-ci, c'est justement un dauphin qui cherche à se repérer dans l'espace. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? Là, vous avez le nom d'un dauphin. C'est-à-dire, les dauphins ont des signatures sifflées. Moi, je m'appelle Fabienne Delfour. Delfour, je l'ai hérité de ma famille. Fabienne, c'est mon identité. Et chez les dauphins, on va retrouver ça. Donc, on a des dauphins. Le nom, le prénom. Ouais, c'est ça. Le prénom et le nom. Comment un dauphin arrive comment ça s'acquiert, un prénom dauphin, ce sifflement de signature ? Il est donné par sa mère. La mère, les femelles en fin de gestation vont produire leur propre signature sifflée qu'elles vont répéter de manière intense. Et une fois que le bébé est né, elles continuent à reproduire cette signature sifflée. Petit à petit, le nouveau-né va reproduire le son qu'il a entendu, donc le nom de sa mère, mais il va commettre des erreurs et la mère va entretenir ces erreurs. Donc on a un signal qui ressemble à celui de la mère, mais qui a des petites détériorations. Et ça va devenir la particularité, l'identité du dauphin. Donc quand vous écoutez ou quand vous regardez des spectrogrammes, quand vous avez des sons de forme identique, vous avez des clans familiaux. Oui, ça c'est vraiment, on assiste là à une co-construction de la signature par la mère et l'enfant pour établir ce sifflet signature. Voilà, mais ça c'est extrêmement important parce que le bébé a une part active dans l'acquisition de son son, mais ça veut dire aussi qu'il fait partie du clan, qu'il fait partie de cette famille-là, de cette société-là. Et on sait bien que pour vivre pleinement et sereinement dans une société, il faut être un membre actif. Et lui, dès le plus jeune âge, il est là, il est actif. Une des manières donc de mieux comprendre les dauphins et d'étudier les sons qu'ils émettent à travers leur communication. Et en ce sens, la bioacoustique des cétacés est une discipline qui a levé le voile sur un grand nombre de mécanismes biologiques et comportementaux. Et bonjour Céline Lozen. Bonjour Natacha. Pour le reportage du jour, vous êtes allé voir un bioacousticien au laboratoire Jean-Roland d'Alembert à Sorbonne Université pour écouter le chant des dauphins. Oui, les chants, les vocalisations et on parle même de grammaire. Olivier Adam, bioacousticien, explore le monde des cétacés par le son. Dauphins, belugas, narval ou même baleine à bosse, cachalot et orque, à partir de l'analyse des sons, il est possible d'inférer des paramètres sur le comportement, la morphologie ou bien le cycle de vie. Avec des hydrophones, ils capturent les sons émis en suivant des groupes, en quadrillant une zone et parfois même en plaçant une sorte de mouchard sur leur dos pour les suivre au plus près et de manière non invasive. Les dauphins, en fait, c'est des sifflements et des clics, et puis il y a des buzz. Il y a pas des trucs comme ça, c'est des clics très proches les uns des autres, sifflements et buzz. Ils le font en même temps. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent à les générer en même temps. Et anatomiquement, ils n'ont pas de cordes vocales, mais... Pour les odontocètes, c'est des membranes qui viennent claquer l'une contre l'autre, qu'on appelle des lèvres de singe, ou des vocal lips, des lèvres vocales. Alors, on a de la chance parce que les cétacés, ce sont des mammifères et ils utilisent le son dans leur activité vitale et leur interaction sociale. Ils vont utiliser le son tout le temps. Donc, l'idée, c'est de savoir quelle est la signification de ce son. Est-ce que ce son a un rôle dans leur structure sociale? Et donc, on a plein de façons de le faire. On peut utiliser des hydrophones à partir d'un bateau, par exemple. Lorsqu'on est assez proche des cétacés, on met un hydrophone qui est un microphone étanche dans l'eau. Et puis, on va enregistrer tous les sons. Le son se propage plutôt bien dans les océans. Donc ça, c'est une technique. L'autre technique, c'est de mouiller un hydrophone pendant une certaine période de temps, genre une semaine, un mois, un semestre, voire une année. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va observer, en fait, dans une zone précise, s'il y a une fréquentation particulière d'espèces de cétacés. Si oui, est-ce qu'ils sont résidents ? Est-ce qu'ils font des migrations ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils viennent qu'une partie du temps ? Voilà, tout ça, c'est intéressant. En fait, déjà, alors, dans les groupes de cétacés, c'est des espèces sociales, donc ils sont toujours en groupe. C'est rare d'avoir des cétacés qui sont tout seuls et qui émettent des sons à ce moment-là. Mais généralement, ils sont en groupe. Et en fait, chez les odontocètes qui sont beaucoup plus vocaux que les mysticètes, le truc, c'est que c'est la vraie cacophonie. Quand on écoute un groupe, on a du mal à savoir qui émet quoi, parce qu'en fait, ils vont émettre des sons en même temps. En plus, ils sont mobiles. Et ce qu'on fait avec Fabienne Delfour, c'est qu'on a développé un système qui s'appelle Cétoscope, qui est basé avec une caméra 360. Donc comme ça, on a toute l'information dans tous les sens de où sont les dauphins. Et on a 4 hydrophones qui nous permettent de trianguler le son. Et donc, on sait qui émet quoi. Et donc, quand on voit une scène qui se déroule, eh ben, on va voir quel est le dauphin qui arrive en cliquant ou en étant silencieux. Quel est le dauphin qui part sans avoir émis de son ou au contraire avoir émis des sons, etc. Et donc on peut voir s'il n'y a pas une hiérarchie, soit une hiérarchie de posture, soit une hiérarchie du son, des sons qu'ils émettent. Quoi. Donc le dispositif de recueil et d'analyse, enfin de mesure, dépend de la question qu'on se pose en fait. Soit on l'individu, soit on quadrille un périmètre prédéfini pour voir ce qui se passe. La méthode dépend de la question qu'on se pose. Voilà. Donc, par exemple, quand on fait des enregistrements à partir d'un bateau, on est en observation d'un ou d'un groupe de cétacés en particulier, et on va pouvoir utiliser cette information acoustique pour savoir, par exemple, quelles sont les émissions sonores qu'ils utilisent, éventuellement où ils sont dans l'océan, à quelle profondeur ils sont dans l'océan, parce qu'on peut faire de la triangulation, c'est-à-dire de la localisation à partir de l'acoustique. Par contre, quand on utilise des hydrophones qui sont mouillés dans une zone, là, c'est une autre question scientifique. Là, ce qu'on veut, c'est recenser en fait les espèces et de savoir quand est-ce qu'elles sont présentes dans cette zone en particulier. Et la troisième méthode, c'est lorsqu'on veut faire du comportement. Là, on va utiliser des hydrophones que l'on va venir ventouser directement sur les cétacés. Et moi, par exemple, à Madagascar, avec l'association Cetamada, on a utilisé directement des caméras étanches et des hydrophones dans une capsule électronique. Et du coup, on le colle gentiment sur le dos d'une baleine à bosse ou d'un baleineau. Et ils partent avec, pendant 2 heures, ou 3 heures, ou 4 heures, jusqu'à une dizaine d'heures, avec un petit système avec eux. Et du coup, ils s'auto-filment et ils s'auto-enregistrent. Et là, on peut faire du comportement, du coup, parce qu'on peut lier, en fait, leur activité, leur position par rapport à leur mère, par exemple, dans les interactions mère-baleineau, et puis les sons qu'ils émettent entre eux, quoi. Là, je peux faire écouter du narval. Le narval, c'est ça, les dauphins avec des cornes. Qu'est-ce qu'on sait vraiment de la fonction de ces communications? Oui, c'est bien ça. Est-ce qu'on arrive à y associer une intention, des messages dans ces séquences sonores? Eh bien oui. Déjà, pour deux raisons, on en est sûr. La première raison, c'est que s'ils les utilisent aussi souvent dans leur structure sociale, c'est bien parce qu'ils ont des messages à faire passer. Et sinon, on ne va pas, entre guillemets, parler pour ne rien dire. Ou alors, ça va nous amuser 2 minutes, mais après, on va laisser tomber, quoi. Et la deuxième raison, c'est qu'on voit qu'à des sons sont associés des comportements. Alors, chez les dauphins, par exemple, ils ont la faculté de faire de l'écholocalisation. Et donc, donc les clics qu'ils vont émettre, les clics, ce sont des sons extrêmement brefs, impulsionnels et brefs. On pense qu'ils les émettent pour s'orienter, pour trouver leur proie. Et eux, ils s'entendent. Par exemple, on a beaucoup d'interactions entre des baleines à bosse et des dauphins. Et on sait qu'ils ont les mêmes bandes fréquentielles. Donc quand il y a des dauphins qui vont venir cliquer ou siffler autour des baleines à bosse, elles veulent les entendre. Et inversement, quand les baleines à bosse vont émettre des grognements, les dauphins vont les entendre. Alors est-ce qu'ils se comprennent? Ça, je ne veux pas aller jusque-là, mais en tout cas, ils s'entendent. Beluga, c'est ça. Alors, ces sifflements, ça fait plus penser à des oiseaux. C'est ça, dans une jungle. C'est assez, exactement. Et on les a nommés les canaris des mers. En fait, ce qui est important, c'est de voir que quand on communique avec le son, si jamais on est dans des zones qui sont bruyantes, et notamment à cause des activités humaines, ça fait beaucoup de bruit et ça va gêner très fort les cétacés. Il y a même des activités humaines qui sont bruyantes et le bruit est responsable d'échouage, par exemple. Et on essaye de mettre en place des recommandations pour que lorsqu'il y a une activité humaine en mer, le bruit ne dépasse pas certains seuils pour ne pas tuer ou fragiliser les cétacés. Merci Céline Lozen pour ce reportage. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, Fabienne Delfaux? Ça montre la diversité du vivant. Juste en plongeant un hydrophone dans ce monde supposément silencieux, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une richesse animale, une richesse des vies animales. Mais on entendait dans ce reportage hein, cet outil, ce stéthoscope, parce que finalement, en effet, on n'y pense pas, c'est pas hyper évident, mais une des difficultés, en effet, de reconnaître le dauphin qui a émis un son. Oui, parce que le dauphin, quand il vocalise, il ne vous pas la gueule. Donc vous entendez, vous plongez un micro, vous entendez une cacophonie sonore et vous êtes incapable de savoir quel est le dauphin qui est émetteur des vocalisations. Donc c'est extrêmement frustrant. Donc effectivement, avec Olivier Adam et l'association Abyss à La Réunion, on a construit un dispositif qui nous permet de localiser dans l'espace, dans un environnement en trois dimensions, l'émetteur des vocalisations. Et en tant qu'éthologue, pour moi, c'est la première fois, il m'a fallu attendre 30 ans, mais c'est la base de la communication. C'est-à-dire, une fois que vous avez identifié l'émetteur, vous pouvez déjà repérer comment les autres vont se comporter, quelle est la puissance, l'impact du message qu'il a envoyé. Et je pense que je rajouterai par rapport à ce qu'a dit Olivier, c'est comment on comprend une production vocale d'un dauphin, une vocalisation, ça va être le contexte. Donc, avoir l'image, la vidéo, permet de connaître le contexte de l'émission de la vocalisation. Et là, on peut dire, voilà, c'était un contexte social, c'était une bagarre, au contraire, c'était un accouplement, etc. Donc, on a besoin du contexte. On cherche à étudier, à mieux comprendre comment les dauphins communiquent entre eux, mais comment communiquer avec un dauphin? En primatologie, on utilise beaucoup des symboles, mais avec un dauphin, on fait comment? Alors, on a essayé l'utilisation de symboles. On a essayé avec Denise Herzing aux Bahamas, justement, avec cet outil qui s'appelle Chat, qui permet d'avoir un panel de sons qu'on va diffuser aux animaux. Ces sons sont associés à des objets. Et l'idée, c'était si l'animal veut requérir l'objet, il va devoir produire le son. Et alors, ça n'a pas vraiment fonctionné, si ce n'est qu'une fois, donc on est en interaction, les dauphins partent. Et comme à leur habitude, ils nous ont volé un objet qui est en l'occurrence un foulard. Et Denise dit, bah, on a qu'à essayer de rappeler le foulard. Donc on émet le son foulard, foulard, foulard. Et en fait, c'est la mère de notre petite voleuse qui nous a ramené le foulard. Donc est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est une anecdote? Très certainement, mais ça nous montre qu'il y a, peut-être une porte qui peut être ouverte vers une communication homme-dauphin. Ce traducteur vocal instantané, est-ce qu'il y a une façon d'améliorer le dispositif? Ou c'est un projet avorté? C'est un projet qui est toujours en cours. Alors, justement, aujourd'hui, il se nourrit de l'intelligence artificielle, puisque Denise est en partenariat avec Google, donc qui a mis de gros moyens pour analyser les sons. Et on s'aperçoit qu'il y a des patterns, donc des sons, qui sont produits dans des contextes particuliers. Et ces sons qui sont émis dans des contextes particuliers, qui sont répétés, ils ont certainement une fonction particulière. Donc on en est là aujourd'hui. Cette anecdote, en tout cas du foulard, ça me rappelle une autre anecdote que vous racontez dans votre livre. Vous racontez justement votre amie, une amie au Delphinarium au Parc d'Astia qui perd sa boucle d'oreille dans le bassin et un dauphin qui lui récupère, qui lui rend sur le bout de son boustre, de son rostre. Et puis, est-ce que ça peut être l'illustration d'une amitié entre l'être humain et le dauphin? C'est des questions que vous posez tout au long de vos pages également. Ça montre, ça témoigne d'une attention mutuelle, c'est-à-dire nous humains pensons que nous sommes les seuls à diriger une attention particulière sur les animaux quand on a une affection particulière pour eux. Et en fait, il n'en est rien. Je ne sais pas si vous avez un chat ou un chien, mais vous voyez bien que votre chat ou votre chien vous regarde, vous observe. Et on s'aperçoit qu'avec les dauphins, c'est la même chose. Donc, des proximités, des affections peuvent entraîner et construire des amitiés interspécifiques. Et une illustration de cette amitié interspécifique, c'est l'anecdote que vous racontez, oui. Mais par rapport au... Parce que là, on parle d'un dauphin en captivité, mais avec un animal sauvage. Avec un animal sauvage, ça va demander voilà, une familiarisation, une répétition des interactions. Mais c'est laisser la place à l'autre pour initier des choses. Et souvent, dans nos interactions avec les animaux, c'est nous qui sommes à l'initiative d'eux, c'est nous qui choisissons le moment de l'interaction, le type d'interaction, c'est nous qui la finissons, cette interaction. Et quand vous laissez l'animal initier, là, vous pouvez avoir ces amitiés qui se mettent en place. Et Denise Herzing, qui a passé 30 ans avec une communauté de dauphins, a des individus qui lui portent une affection particulière. Donc, que ce soit en parc zoologique ou en milieu naturel, oui, c'est possible. Parce que votre livre présente donc une réflexion éthique sur la construction d'une amitié anthropozoologique avec un animal sauvage. Mais notre relation à l'animal, elle est également profondément interrogée avec le réchauffement climatique et la crise environnementale actuelle. Parce que les dauphins, on arrive sur cette fin de cette émission et on ne peut pas ne pas en parler. Les dauphins aussi ne sont pas épargnés par le réchauffement climatique. Oui, en 25 ans, si je parle des Bahamas, j'ai vu vraiment le paysage des Bahamas changer. Donc ce milieu a été colonisé par des algues qui sont dues à ce réchauffement de l'eau. Ils ont été victimes d'ouragans, donc on a eu des populations qui ont été décimées par la violence des ouragans. Donc oui, on voit les traces du réchauffement climatique sur le milieu terrestre, mais il ne faut pas oublier que le milieu aquatique est aussi victime de ce réchauffement-là. Oui, certaines espèces de rivières sont déjà en voie d'extinction ou éteintes également. Oui, oui, oui. Donc le dauphin du Gange, les dauphins d'eau douce, il y a des dauphins qui vivent dans des lieux qui ont déjà... qui sont pressurisés par ces changements climatiques et par les activités anthropiques, et donc oui, qui sont mises en danger. Oui. Vos futurs projets, d'ailleurs, sont en lien avec la compréhension, la résilience des dauphins face au changement climatique. On peut parler de ces deux derniers projets avant de se quitter. Oui, merci de me laisser présenter ces deux projets. Le premier projet est fait avec la fondation One Ocean, et là, c'est vraiment une chance extraordinaire, puisque ce sont des personnes qui viennent du monde de l'image, qui ont un intérêt, une appétence pour la science et qui vont mettre leur expertise au service de la science. Donc c'est John Jackson, Thomas Labouras qui est réalisateur de documentaires animaliers engagés. Et puis il y a Alexis Rosenfeld, un grand photographe qu'on ne présente plus. Armel Ruy, qui est un breton sensible au vivant. Et Steven Surina, Steven a mis en place une fondation qui s'appelle Shark Education, pour qu'on voit les requins de manière différente. Et grâce à eux ou avec eux, on a pu documenter la migration des sardines en Afrique du Sud. Merci beaucoup à Fabienne Delfour. Il est temps à présent de retrouver la chronique quotidienne avec Science. C'est la chronique d'Alexandra Delbeau. Comment se créent les faux souvenirs? Il faut souligner d'emblée que les souvenirs sont de fait extrêmement subjectifs. Ils sont donc tous partiellement vrais et partiellement faux. Le cerveau n'est pas une caméra qui enregistre tout ce qu'il se passe. Les souvenirs ne sont qu'une partie seulement d'une situation. Un choix est donc fait et il est individuel. Vos souvenirs seront différents des miens pour un même événement vécu. Ensuite, un souvenir n'est pas fixe. Il va être amené à évoluer avec le temps et en fonction de l'individu. Donc on voit ici qu'il y a une certaine malléabilité. Et c'est justement cette évolution qui peut faire naître les faux souvenirs. Pascal Roulet est professeur en neurosciences à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Un faux souvenir, c'est quelque chose qui, c'est généralement un souvenir vrai au départ, qui a évolué en un faux souvenir. C'est-à-dire que comme un souvenir va évoluer au cours du temps, ou peut évoluer au cours du temps, eh bien, on peut intégrer des faux éléments dans ce souvenir. Alors peut-être qu'il faut préciser que ce qui se passe pour un vrai souvenir au départ, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous réactivez un souvenir, vous avez la possibilité de le mettre à jour. Si vous visitez une nouvelle ville, par exemple, il y a plein de choses nouvelles et donc vous devez prendre votre ancien souvenir de la ville et lui ajouter les nouveaux éléments. Pour cela, vous allez rechercher le souvenir dans votre cerveau et donc là, pendant 60 à 80 minutes, il va être déstabilisé et là, vous allez introduire les nouveaux éléments. C'est pour cela que le souvenir va évoluer au cours du temps, à chaque réactivation, à chaque fois que vous allez faire une mise à jour. Pour le faux souvenir, c'est exactement la même chose, mais au lieu de mettre un vrai élément, on va mettre un faux élément dedans. Donc c'est exactement la même structure qu'un vrai souvenir, mais on pourrait dire que c'est une mauvaise mise à jour du souvenir initial. Et c'est toujours cette mémoire épisodique, cette mémoire autobiographique qui est touchée par les faux souvenirs et qui est souvent réactivée. Parce qu'à chaque fois qu'on raconte par exemple un souvenir, on risque de le déformer, on risque d'ajouter des détails ou du moins d'en accentuer certains pour rendre l'histoire un petit peu plus croustillante. Ça peut être un tout petit détail, vous avez marqué un but incroyable mais vous avez oublié de raconter que vous étiez mauvais durant tout le reste du match. Bon, ça n'a rien de bien méchant et c'est de vous à vous, mais grâce à la suggestion, on peut induire chez d'autres personnes la présence de faux souvenirs qui sont bien plus dommageables. Dans une étude de Porter et Shaw, ils ont dit à des étudiants qui vont très très bien psychologiquement, qui n'ont jamais eu de problème avec la justice, ils leur demandent de raconter un souvenir de jeunesse et vont leur dire « et c'est là que vous avez sorti un couteau, par exemple ?» Et donc forcément, l'étudiant ne s'en souvient absolument pas. Et par cette réactivation, comme on a réactivé un vrai souvenir et qu'on a introduit un faux élément dans ce vrai souvenir, eh bien, ça va finir par créer un faux souvenir. Mais on ne peut pas partir de rien. Il faut toujours partir d'un vrai souvenir et on va insérer quelque chose de plus ou moins important dans ce vrai souvenir, ce qui va devenir un faux souvenir. On peut très bien créer des faux souvenirs sans hypnose, et avec l'hypnose, c'est encore plus simple. C'est très important parce que le problème, c'est que tous les cas de faux souvenirs déclarés, ce qu'on appelle les faux souvenirs induits par thérapie, ont commencé par des mauvais thérapeutes hein, qui pratiquaient l'hypnose dans de mauvaises conditions. Donc là encore, les thérapeutes ont réactivé des vrais souvenirs aux patients et ont inséré des faux souvenirs à ce patient-là. Et ensuite, ces patients vont créer un faux souvenir à partir de ces éléments-là. C'est très grave, ça peut devenir très grave. On peut insérer des éléments pour faire croire à la personne qu'elle a eu, par exemple, une agression pendant sa jeunesse. Donc ça a des conséquences très importantes d'un point de vue juridique, bien entendu. D'un point de vue clinique, c'est pas très important, entre guillemets, si c'est un vrai ou un faux souvenir, parce qu'on va traiter les personnes de la même façon, parce qu'elles sont persuadées d'avoir vécu exactement les mêmes choses. Mais vous voyez que ça peut avoir une incidence. Et côté mécanisme biologique des faux souvenirs, l'hippocampe est aussi impliqué, comme pour les vrais souvenirs. Et pour l'instant, les scientifiques n'ont pas décelé de zones cérébrales spécifiques aux faux souvenirs, et ce n'est pas très étonnant. Le processus mis en jeu est probablement semblable à celui nécessaire pour la mise à jour d'un vrai souvenir. La mémoire nous joue aussi parfois des tours avec cette curieuse sensation de déjà-vu. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec les faux souvenirs? Alors, le mécanisme biologique à l'origine du sentiment de déjà-vu est encore débattu parce qu'il est rare et donc difficile à appréhender expérimentalement. Mais le déjà-vu n'aurait rien à voir avec les faux souvenirs car il ne serait pas un trouble mnésique, mais la conséquence d'une mauvaise vérification de souvenirs. On recherche mal dans notre disque dur et on a l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. moment. Donc, le déjà-vu serait une comparaison entre ce que je vois maintenant et ce qui a été mémorisé, alors que le faux souvenir est un vrai souvenir dans lequel de faux éléments ont été insérés. Et cette manipulation, cette capacité à réactiver la mémoire et à la modifier légèrement, est un axe de recherche, notamment pour soigner les souvenirs traumatiques. Merci Alexandra, merci à toute l'équipe de la science CQFD et merci à vous pour votre écoute. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.